Chapitre 22e. Il n'y a pas d'erreur judiciaire. Quand M. Duranton jugea que cette scène poignante avait assez duré, il fit relever le comte et essaya de le réconforter, de l'arracher à sa douleur. Peu après, le juge, son jeune cousin et le comte remontaient en voiture. Avant de partir, le comte de Saint-Rion serra encore avec effusion les mains du vieux père Porfilet. « Oh, mon ami, s'écria-t-il, j'envie le bonheur de mon pauvre Alexandre. Lui, vraiment, il ne souffre plus. Il n'a pas le cœur déchiré, il dort, lui. Il dort pour de bon. Il dort. » Et le comte de Saint-Rion, arrivé à Mantes, ne voulant pas, dit-il, abuser de la bienveillance de M. Duranton, regagna Paris. Mais il promit de revenir dans 2 jours. Il voulait tenter une nouvelle expérience. « Ma vue, dit-il, a dû malgré tout produire sur ma pauvre Madeleine quelque effet. Le rappel du souvenir d'autrefois, si je puis ainsi dire, va se faire lentement, mais sûrement. Il faut donner le temps au travail de la mémoire de se produire. J'espère qu'à ma prochaine visite, j'obtiendrai un résultat, sinon décisif, du moins appréciable, et pouvant me donner bon espoir. » Le jeune avocat lui promit de l'accompagner encore, de le seconder dans cette nouvelle tentative au Ravenel. Quand le juge et son cousin, après le départ du comte de Saint-Rion, se trouvèrent seuls dans le cabinet, ils se regardèrent longuement, s'interrogèrent des yeux. Alors M. Duranton, étendant les bras, dit à son cousin « Je regrette, mais je dois demeurer dans les limites de la loi. L'alibi est clair, indiscutable, je ne peux rien. » Maître Thirion répliqua « Eh bien moi, mon cousin, je n'aurai pas vos scrupules de magistrat trop esclave de la lettre du code. » Je mettrai tout bonnement cet homme en état d'arrestation. Je le mettrai en prison, malgré les preuves, ou je dis plus, à cause de son alibi, trop bien établi, et nous verrions après. » Le jeune avocat, le lendemain, loua un cheval à Mantes, et en un temps du galop, il poussa dans la matinée jusqu'au Ravenel. Il voulait revoir les braves gens qui habitaient la ferme et le sergent, vers qui il se sentait attiré par une sincère sympathie. Il tenait à connaître aussi l'opinion du vieux père Porfilet, à savoir, en somme, ce qu'on pensait de la visite de ce fameux comte de Saint-Rion. À ces questions précises, le vieux père Porfilet répondit « J'écoutais ce que m'a dit ce monsieur, oui, j'ai bien écouté. Mais je n'ai rien ressenti au cœur qui m'ait touché. Certes, je ne me figurais pas, d'après les dires de Madeleine, que le comte de Saint-Rion pût être comme cela. Vous n'avez aucun soupçon? Vous ne croyez pas que ce comte-là puisse être une autre personne que le véritable comte Armand, celui que Madeleine aimait? Non, je ne peux rien affirmer. Si j'avais seulement vu le comte une fois, il me serait probablement facile de répondre. Mais vous avez vu, s'écria Maître Thirion, vous avez vu pendant plusieurs jours son domestique Alexandre. Vous ne retrouvez rien de lui, rien d'Alexandre dans ce comte de Saint-Rion? Non, en vérité, non. Cependant, de même que là-bas, la tilleuse, je n'ai pas reconnu dans le blessé le domestique. De même ici, dans cet homme, je ne puis reconnaître Alexandre. » Maître Thirion fut quelque peu déçu, dans l'espérance qu'il avait eu d'obtenir un indice précieux en interrogeant le père Porfilet. Cependant, l'opinion de ceux qui avaient assisté à la scène de la veille concordait bien avec la sienne. Personne, en écoutant le comte, n'avait été ému, pas plus que le jeune avocat n'avait senti vibrer en lui la moindre fibre de compassion, de commisération. Personne n'avait eu les yeux humides. Quant à Madeleine, elle ne manifestait aucune impression à la suite de cette visite. Elle parut, dès qu'elle quitta avec Jacques la maison où le drame venait de se jouer, ne se souvenir de rien. Son esprit ne fut nullement touché. La vue de ce comte de Saint-Rion ne lui causa pas la moindre émotion. Le son de sa voix ne la toucha point. Elle ne fit aucune attention à cet homme qui se prétendait celui qu'elle avait tant aimé. Elle ne perçut en son cœur aucun écho des paroles d'autrefois. Elle ne l'entendit pas, ne le vit même pas. Il continua à aller par les prés, par les bois, douce, jolie et dolente, souriant au petit Fernand qu'elle nommait Paulette et s'appuyant affectueusement au bras de celui qu'elle appelait « mon ami Jacques ». La seconde tentative du comte fut plus brève, mais le résultat fut identique. Madeleine, à qui le comte de Saint-Rion voulut parler longuement, qu'il essayait de retenir auprès de lui, s'échappa, se dégagea de ses mains et s'en alla, souffrante, fatiguée, répétant « laissez-moi ». « Armand, il dort, il dort !» Elle ne voulut pas que le comte s'approchât d'elle. Elle cherche un refuge auprès de son ami Jacques. Le jeune avocat dit alors au comte de Saint-Rion, N'insistez pas, monsieur, cela vaut mieux. Insister serait peut-être dangereux, et vous n'en auriez que du regret. Il est inutile et même inhumain de vouloir quand même convaincre une démente. » Le comte se montra désolé, navré, mais il céda au conseil du jeune avocat. Toutefois, il promit de laisser passer quelque temps, puis de revenir avec des spécialistes, de faire examiner sa chère Madeleine par des aliénistes, afin de savoir s'il devait à jamais abandonner tout espoir.